Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la continuité de la journée d'action, depuis ce matin, 6 heures, toute la zone portuaire est bloquée. Donc, il n'y a aucun camion qui passe. Et ceux qui veulent aller travailler, même les voitures, ils y vont à pied. Donc, le blocage, il est par rapport à Senalia, mais aussi l'entreprise Tardy, le président du FCR, qui utilise son personnel intérimaire pour contrer les grévistes, pour faire la manutention. Donc, là, cette action s'inscrivait dans le port mort pour les 72 heures. Et donc, bien sûr, n'oubliez pas aussi, à 18 heures, on appelle l'ensemble des camarades de l'Interpro, tous ceux qui sont en lutte, à venir à 18 heures au 106 pour montrer devant la presse que de toute façon, les vœux qu'ils veulent faire, et il y aura la présence du préfet et donc toutes les personnalités locales et publiques pour faire démonstration que de toute façon, quelles que soient les intimidations, ce qu'on regardait l'émission hier soir, ceux qui ont le temps, ils sont en train de vouloir diviser tout le monde et que nous, on est toujours sur le retrait pur et simple de la réforme de Macron et on ne bougera pas d'un iota. Et c'est le sens aussi de l'appel la semaine prochaine et ça, on va en discuter au niveau de l'intersyndicale ce soir puisque l'intersyndicale se réunit au niveau du département à la maison CGT à 16h30. Pour être bien sûr à 18h là-bas, on sait que le 14, le 15, le 16, c'est déjà inscrit au niveau nationalement. Et nous, on continue, on lâche rien, on fait des actions le matin Interpro, on continue à porter la grève partout avec des assemblées générales. Et on s'inscrit pleinement avec toutes les manifestations qui seront forcément à 10h30, cours Clémenceau, et on décidera ensemble du parcours et du contenu. Voilà les camarades.